Chapitre 213. Le mérite de passer les nuits du mois de Ramadan en prière. Tarawih. 1187. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: quiconque passe les nuits du mois de Ramadan en prière avec foi et espoir en la récompense, verra ses péchés passés effacés. Al-Bukhari et Muslim. 1188. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, incitait les gens à passer les nuits du mois de Ramadan en prière, tarawih, sans le leur ordonner ou le rendre obligatoire. Il disait, sallallahu alayhi wasallam, quiconque passe les nuits du mois de Ramadan en prière, avec foi et espoir en la récompense, verra ses péchés passés effacés. Muslim. 1189.